Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Place au Gros, une série de Rémy Dybowski-Douat réalisée par Véronique Samoïlov. Au départ de cette série, il y a ces publicités récentes dans lesquelles on voit enfin un bourrelet ou au moins juste des corps qui nous ressemblent, des clips de rap avec cellulite apparente et des chanteuses qui s'affichent grosses et fières. Et puis il y a ce mot « grossophobie » qui devient familier. Mais il faut voir la force de l'injonction à maigrir. Alors pour commencer, les personnages, une ado et ses vêtements, une copine bienveillante, des enfants qui se scrutent, une directrice attentive, une future esthéticienne, des mères comme toujours, un vieux médecin et un amoureux. Ensuite le décor, les vacances, les cigales, un collège, des problèmes de santé, des mécanismes et des habitudes, la beauté, les écrans, la fusion et des séparations. Aujourd'hui, deuxième épisode, dis-moi combien tu pèses. Non, arrête, t'as grossi. Non mais attends, toi-même, à ton avis, t'as grossi ou t'as maigri? T'as grossi. Ça parle en kilos. En kilos? T'as pris combien? Et plutôt, je rigole pas, t'as pris combien là? Je sais pas. Il va nous faire Mathis, 3,5 kg. Non, 3,8 kg. Attention. Il a perdu quoi? Il a pris 3,8 kg. Je vais le battre, je peux prendre 5 kilos, j'ai dû prendre. Non mais on dirait t'as maigri, c'est vrai. Je sais pas, c'est le bled, il a des effets. Tu t'es pesé là? Hein? Tu t'es pesé depuis que t'arrives? Je viens pas parler de ça. Ça va, t'as 2 semaines pour faire. Place au Gros. Les oiseaux, une clinique pour vaincre l'obésité. Tu veux grossir? Finis ta phrase. D'actu gros. Venant de toi, ça me vexe pas. Tu transpires comme un porc. Mais alors, je suis gros, porc alors que c'est costaud. Ne pousse pas trop, Victoria, il va rouler sinon. Ouais, il va se faire mal. Il va rouler. Victoria, fais gaffe. Il n'y a pas les quilles en bas. On suit pas. C'est la fin du mois d'août. Le soleil tape encore. Ça sent l'eucalyptus. Des feuilles de platane jonchent le sol. Ça ressemble à une cour d'école provençale. Les gamins sont bronzés. On s'envoie des vannes. On se palpe le ventre, on se touche. Cette année, ils font leur rentrée aux oiseaux. À la fois un collège et un établissement de soins spécialisé dans la prise en charge du surpoids. Les oiseaux sont reconnus comme un centre de référence par l'Agence régionale de santé pour les cas les plus complexes d'obésité. Selon les derniers chiffres disponibles, 16% des garçons et 18% des filles entre 6 et 17 ans, sont touchés par l'obésité et le surpoids. En attendant, comme dans toutes les cours d'école, on se raconte les vacances. Allez, viens voir avec nous. C'était bien les vacances? Vous êtes partis où? Je suis restée chez moi. Moi, je suis partie en Espagne, trop bien. T'as je suis partie à Benidorm. Et j'ai bien mangé. Je pense que j'ai grossé 3 kilos, je pense. Franchement. Bah, en fait, je sais pas si j'ai pris du poids, mais je le sens par exemple quand je cours ou je marche. Je sens que j'ai pris du poids. Et même ma mère, quand elle est venue me chercher au début des vacances, là, et j'avais maigri du visage. Et là, du coup, elle voit que j'ai grossi du visage. Quoi. Non, pas du tout. Oui, tu m'as mal vu. Non. Mais je me suis pas encore pesée. C'est quoi, Benidorm? C'est une ville en Espagne. Moi, je connais Madrid, je connais. Non, mais je connais que les trucs connus, quoi. Madrid, Barcelone. Oui, mais j'y suis jamais allée. Ah, Wanson, j'ai bien mangé. Franchement, j'ai bien mangé, mais je pense que j'ai un peu trop mangé même. Et puisque là-bas, en plus, en Espagne, c'est riche en calories, j'ai mangé des paella, des grosses entrecôtes. Des plats espagnols, quoi. Ouais, des vrais plats espagnols. Des frites. Non, les frites, c'est pas la tradition. Non, ça, mais c'est ouais, belge. Moi, si je vais dans un pays, je mange des traditions. Ah, t'es belge? Pas vraiment belge. Pour venir à mon sujet, j'ai envie de perdre entre 30 et 45 kilos. En plus, je suis coquette, j'aime bien m'habiller. Moi, tu sais, j'ai trouvé des vêtements de marque et j'arrive pas à m'habiller avec la marque. Pourtant, Lina et tout, ils me disent « Miranda, mets-les, on est tous gros ici. » Non, je préfère pas les mettre, je t'attends de m'aider. Alors, moi, les habits de marque, j'aime quand même. Mais c'est pas vraiment de la marque. Combien tu pèses aujourd'hui? T'écoutes pas, bouche les oreilles s'il te plaît. Bouche les oreilles s'il te plaît. Tu me l'avais déjà dit. Hein. Tu t'avais dit quoi? Bah dis, je t'avais dit quoi? Dis. 106. Ouais, voilà. C'est ça. Entre 106 et 108. Ouais, après je suis grande, mais Je fais moins. En fait, dans mon collège, il y en a plein, ils me disent... Parce qu'en fait, ils ont l'habitude de me voir comme ça. Ils me disent, non, Alia, t'es bien comme ça, t'es jolie, t'es pas grosse et tout. Mais parce qu'en fait, ils sont habitués. Mais là, déjà, en 3 semaines, j'ai perdu 5 kilos. Je suis contente, mais d'un côté, j'ai peur. Parce que je me dis que si je perds trop vite, je peux reprendre vite. Ouais, donc là, c'est pour ça que si tu... avec tout ce que t'as bouffé, bah, tu peux reprendre vite. Alors, là, on est en train de faire le tour. On a notre petite... Sophie Hayek, responsable pédagogique. On a différents espaces aux oiseaux, c'est ça qui est intéressant. On a à la fois des espaces de sport, des espaces polyvalents d'activité, des espaces un peu libres où les jeunes arrivent à trouver un petit peu leur endroit où ils vont se sentir à l'aise. On a un parcours de santé avec du coup différents obstacles pour les jeunes. On a une petite piste d'athlétisme, un terrain... multisport, un terrain de tennis, une salle de musculation, une piscine, un peu comme un village provençal où les jeunes finalement ont leur petite maison à eux pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois par moment, parfois un an, ça dépend. Puis on a, voilà, on passe devant une petite cabane qui sert pour l'atelier écriture. C'est un espace un peu cocooning avec des poufs, une lumière un peu tamisée. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir des espaces comme ça différents. Et puis on passe devant les salles de classe, là vous voyez, on a du coup de la 6e à la 3e la possibilité d'accueillir les jeunes sur le site toute l'année. Et puis depuis peu, nous avons aussi un partenariat avec le lycée Langevin qui se situe à côté, à la Seyne-sur-Mer, et qui nous permet aussi d'accompagner des secondes générales depuis peu. Alors là, on voit les terrains de sport. Mmh. On est à la veille de la rentrée. Oui. Donc les jeunes commencent à arriver. J'en ai vu déjà en entrant sur le site. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer pour eux maintenant? Alors les jeunes sont arrivés hier de 15 jours de vacances. C'était l'objet pour eux de se tester un petit peu à la maison, de voir là où ils arrivent à mettre en place les consignes, là où ils sont peut-être encore en difficulté. Et là, on va avoir 3 jours de préparation de la rentrée, donc une reprise douce et progressive des activités physiques, petite évaluation évidemment de ce qui a pu se passer à la maison, et puis également l'organisation des soins, c'est-à-dire toute la partie accompagnement médical, psychologique, diététique, en activité physique, etc. Ils vont découvrir un petit peu les règles de l'établissement et ce qu'on attend d'eux pour les mois à venir. Ça gros. Non, André, t'as maigri, t'as pas un double menton. Le menton. Ouais, mais non, il veut pas partir. Il va jamais partir. J'espère un jour. Si je sors, je suis mec, mais j'ai le double menton. Laurine! Non, non, tu pars pas en décembre. Tu m'as dit que tu restais jusqu'en mai, tu restes jusqu'en mai. Par là que je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce qu'il y a le brevet cette année, il faut que je me concentre. Et alors? Je peux pas faire ici et dans mon collège. Il faut que je passe premier trimestre ici et deuxième, troisième dans mon collège. Mais pourquoi dans ton collège? Ça change quoi? J'ai passé le brevet ici et ça a rien changé à ma vie. Ouais, mais ici tu peux pas ramener à manger quand tu as le brevet. Non, mais tu te demandes, tu te donnes à manger? Et ouais, il donne quoi des, mais toi, tu n'as pas mangé. Ouais. Mais tu sais, tu vas écrire, tu vas pas manger. Ils vont pas dire écrire une recette. Ils vont dire écrire. Parce que c'est cadeau. Mais après, si on est là, on n'aura pas de problème de santé vu qu'il y a des infirmières et tout. Après, ça veut rien dire parce qu'il y en a qui ont perdu mais qui ont vite repris en partant. Moi, j'aimerais bien faire plus tard la gymnastique. Parce qu'en fait, mon rêve, mon vrai rêve d'enfant, c'est de la gymnastique. C'est-à-dire que moi, en soi, je sais pas faire la roue, le grand écart, mais j'ai toujours appris à mes copines à faire la souplesse arrière ou quoi. En fait, c'est quelque chose qui est inné en moi, j'aime trop la gymnastique, mais j'ai jamais pu en faire parce que pour un problème de poids. Parce que le médecin, il m'a dit que c'est trop dangereux si je tombais, parce que j'avais du poids en plus. Du coup, là, quand je vais maigrir, bah, je vais direct m'inscrire à la gymnastique ou recommencer le judo. parce que je faisais du judo, je ceinture verte. Ah ouais, moi je fais du judo, je suis ceinture verte et j'avais gagné les départements d'Île-de-France. Mais ils m'ont dit d'arrêter parce que c'était peut-être. Parce que peut-être j'étais en danger pour mon cœur. J'ai un peu de l'asthme à l'effort. Les douleurs au cœur, douleurs au dos. Les bourrelets, ça fait mal quand on dort. Il y a beaucoup de choses en fait. Parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup de ventre. C'est plus le ventre que les cuisses ou quoi. Non. Enfin, j'ai les cuisses aussi. J'ai les cuisses aussi, mais j'ai beaucoup de ventre. Regarde, tu vois pas, j'ai trois. Plus d'ordre que toi. Hein. Non. En fait, dans l'obésité, il y a plein de petits handicaps qui t'empêchent de, ouais, de vivre un peu, on va dire. C'est-à-dire, ma copine va faire un pas de danse tout facile. Moi, il me faudra 10 minutes pour que je le fasse, quoi. T'as des problèmes de jambes. T'as des problèmes de jambes. Quand tu tombes, en fait, c'est tout ton poids qui tombe sur tes jambes et tout. Par exemple, moi, je me suis fait mal au genou et tout. J'avais des problèmes de genou. Je me suis fait opérer du genou. J'ai encore des problèmes de dos. J'ai une entorse aussi pour... Mon poids, parce qu'en fait, quand je marche, bah, je fais des faux mouvements. Et à force de faire des faux mouvements, mon pied, il a craqué. Du coup, j'ai eu une grosse entorse. Moi, je crois l'obésité, c'est quand t'as des petits problèmes de santé, en fait, tu meurs à petit feu. Quel âge tu as, toi? 14 ans. Toi, t'as 13 ans. Hein. Ouais, je passe en 4e et passe en 3e. Le 23, je fais 15 ans. Moi, le 25 mars. Alors, l'établissement Les Oiseaux a ouvert ses portes en 1929. C'était à l'époque une pension pour jeunes filles. Donc, c'est un établissement qui a toujours accueilli des jeunes. Et puis, aujourd'hui, l'établissement se spécialise réellement dans les troubles de la nutrition autour des jeunes qui ont entre 10 et 16 ans. On est situé à Sanary-sur-Mer, dans le Var. Et la particularité peut-être de l'établissement, c'est finalement son équipe pluridisciplinaire qui accompagne pendant plusieurs mois des jeunes dans l'idée quelque part de leur permettre d'avoir un espace de reconstruction et in fine du coup de perdre du poids et de se rendre compte un petit peu du comportement en santé à maintenir toute leur vie. Donc on est vraiment sur de la prévention globale de les comorbidités de l'obésité qui pourra apparaître à l'âge adulte et quelque part une sorte d'éducation à la santé, à la vie. Étant donné qu'on traite l'obésité sévère, l'ensemble de la prise en charge est assurée par la sécurité sociale. Vous avez des enfants issus de toutes les classes sociales alors du coup ? Oui, toutes les classes sociales, puisque l'obésité touche toutes les classes. Par contre, comme les chiffres épidémiaux un petit peu dans le monde et en France, on a quand même une majorité de jeunes qui sont issus de milieux assez défavorisés, fragiles. Bien que, voilà, les 100 jeunes qu'on accueille, puisqu'on a 100 places, on a un ensemble aussi, une hétérogénéité de population aussi. Est-ce que l'objectif est de faire perdre du poids aux enfants ? Alors non, absolument pas, la réponse est très franche, bien qu'évidemment on traite l'obésité de l'enfant, donc bien sûr que la variable du poids, de la corpulence est importante. Maintenant, notre objectif premier, c'est la modification comportementale, c'est d'arriver quelque part à faire comprendre aux jeunes et à sa famille pourquoi il en est arrivé là, d'aller un petit peu en profondeur sur les causes de la prise de poids et de comment on va arriver à se comporter, vivre quotidiennement d'une autre façon, de manière pérenne. C'est ça notre objectif premier. In fine, forcément, si on arrive à modifier le comportement, évidemment qu'on va perdre du poids, mais c'est la conséquence. C'est qui en premier? Moi, tu veux le faire avec la pince, je sais le faire. C'est dans les poils. Tu veux que je te fasse le reste? Non, non, non, non. Non, mais juste deux secondes, reste deux poils. Mais je te le fais pour deux poils. Tu sais pas le faire. Bah, tu vas le faire toute seule, tu vas prendre ta soeur. D'accord. Sinon, ça va quoi la crème, chez toi? Ça fait mal. Tu vois pas, je pleure. Putain, elle te pince la peau en même temps avec la pince. Tu lui as fait un trop fin sourcil, c'est trop moche. Mimi. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'aime même pas, ça fait 5 minutes, je regarde même plus. Non, je rigole. Qu'est-ce que t'en as là? Fais-moi comme l'autre, fais les mêmes. Mais c'est les mêmes. Ouais, c'est mieux. C'est trop beau. C'est important d'être belle pour moi. Oui, très. En plus, déjà qu'on est moche avec notre surpoids, alors sur les pas belles au niveau des sourcils, ça va mal le faire. Hein. Faut qu'on se plaise au moins, nous-mêmes. C'est souvent que tu lui épiles les sourcils comme ça? Ça a été la première fois que je l'ai fait aux filles, mais sinon c'est ce que je veux faire comme métier, du coup je le fais à tout le monde. Et mon futur métier, ça serait être esthéticienne. Et j'aime bien tout ce qui est épilation, beauté, maquillage, tout ce qui est tout make-up, look, style. Et voilà. C'est mon futur métier dans... J'espère dans pas longtemps. T'as quel âge? Bientôt 14 ans. Et pour moi, c'est important de prendre soin des gens pour qu'ils ont confiance en soi, qu'ils montrent qu'ils ont pas peur du regard des autres. Et moi, pour moi, l'esthétique, c'est la base parce que j'en ai souffert beaucoup en primaire jusqu'à ma début de sixième. Et c'est quand j'ai commencé à maquiller que j'ai vu que les gens, ils me rabaissaient plus. Et quand j'étais petite, ben, ils me disaient « Ouais, t'es grosse, t'es petite, tu te fais pas belle, tu t'en fous de ton corps et tout. » Et c'est quand j'ai commencé à faire ça que les personnes, ils m'ont dit « C'est bien, tu t'es remis en question, tu t'es refait belle. » Après, moi, je suis grosse depuis la primaire et c'est... au début de 5e que je me suis dit il faut venir aux oiseaux, ça me fera du bien. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu 14 kilos en 8 mois. Comment tu t'appelles? Shakira. Quand je suis venue ici, vu que j'étais très proche de ma mère, ça a été dur pour moi. On a tellement lié des liens entre nous deux que quand on est trop séparés, ça nous fait tellement du mal que c'est indéfinissable ce que je peux dire, quoi. C'est comme si on m'a enlevé la moitié de mon corps. Et que j'étais au point de mourir, en gros. Et je lui ai montré que je l'aimais, que je le faisais pour elle et pour moi, surtout pour moi et ma santé. Après, au niveau de mon père, quand je suis venue ici, il n'était pas trop d'accord parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il y avait des garçons et tout. Après, je me suis fait des potes, je suis sortie avec des garçons. Après, les garçons, ce n'était pas forcément obligé, mais c'était un truc très important parce que pour montrer la confiance en soi, ça m'a rassurée parce que je ne me suis pas fait belle pour rien. Après, je dis pas que j'ai jamais fait de bêtises, j'en ai fait, mais j'ai été mature des fois. C'est quoi comme bêtise? Frapper des fois, mais pour défendre des filles. Je leur montre que c'est pas eux qui décideront avec moi. Et ça, c'est ce que je vais leur faire comprendre à force, que c'est top. Mais ici, il y a vraiment des amis fidèles, sincères. Et on fera tout pour se revoir. De plus en plus, je reste ici. De plus en plus, je me rends compte que c'est comme ma deuxième maison, surtout. C'est comme si j'avais renoué des liens. Pas comme si c'était ma mère, ça c'est sûr. Mais c'est comme si c'était ma deuxième famille. Du coup, ça me remonte un peu le moral. Après, j'ai... Shakira ! Tu disais quoi ? On parlait des parents et de comment ils mentent ou pas. De la séparation. Ça vous toi, faudrait que tu m'attrapes les sourcils là parce que là ça va plus du tout. Non, mais on parle pas de sourcils là, on parle mais de oui, parents. Non, mais c'est important pour moi. Donc tu vas me rattraper ce que tu m'as fait ici et ici tu m'as tué, tu sais que ça, je touche, ça brûle. C'est normal. Oh non, mais. C'est pas normal. Donc tu vas me rattraper les 2-3 cils là, l'esthéticienne. Allez les gars, venez là. Allez, bonjour, mettez-vous contre la barrière, on va faire l'appel. Mathias, ça va? Oui. On fait du vélo un peu? Non. On va voir. Donc Romain, Ilan, c'est ça? Vous avez passé de bonnes vacances? Ouais. Ouais. Donc si vous avez passé de bonnes vacances, bah, normalement vous avez fait un petit peu de sport. Ok. Ça c'est très simple, c'est quoi? C'est un planning des 2 semaines qui viennent de se passer. Ok. Nous on va vous demander un petit peu l'heure à laquelle vous êtes levé, l'heure à laquelle vous êtes couché. On va vous demander aussi si vous avez fait l'activité physique en famille, entre amis ou seul. On va vous demander si vous avez pratiqué les activités de la vie quotidienne. Aller chercher le pain en bas, prendre le bus, visiter, je ne sais pas, un musée, faire du shopping, etc. Et bien sûr, ce qu'on aime un peu moins, on va vous demander le temps passé devant les écrans. C'est bon? Moi j'ai tout, j'ai les stylos, j'ai les pochettes. Let's go! On va en classe là-bas. J'étais pas chez moi non plus. C'est parti. Ouais, vas-y. Ouais, ça fait longtemps. Personne ne va dire qu'ils ont fait le sport avec une équipe, et moi oui, parce que j'ai commencé les entraînements. J'ai pas marché dans la montagne. Oh, j'ai couru dans la montagne. Je suis allée pêcher. Vous allez pêcher. T'as pêché quoi? Des truites. J'en ai eu 2. C'est tellement bon la truite. Avec du citron, piment d'Espelette. C'est trop bon ça, piment d'Espelette. Ok. Qui veut dire un petit mot sur ce qu'il a fait? Enzo, allez. Tu penses avoir fait assez ces vacances? Bah ouais. Mais j'ai quand même pris. Ok. Ouais. Je pense parce que c'est le dernier week-end là, que j'ai un peu dérapé. Donc le premier week-end de la sortie, je suis partie en avion. Ouais. Après le lundi, j'ai commencé assis à tondre la pelouse. Ouais. Sur un hectare 7. Hein, je vous le précise que vous voulez vous moquer de moi là. Ouais, le deuxième jour, je suis allée au marché. J'ai ramassé toute l'herbe que j'avais tondue. Après, je me suis reposée. J'ai couru un peu avec mon chien. Ouais, bien. Après, le mercredi, j'ai fait de la pétanque. J'ai joué au téléphone un peu. Après, l'après-midi, j'ai fait magasin. Et... Okay. Le vendredi, j'ai fait zoo toute la journée de 9h jusqu'à 18h, un truc comme ça. On a fait que marcher, du coup. Après, le samedi, j'ai fait une promenade, j'ai encore tondu. Et après, le dimanche, j'ai ramassé toute l'herbe, cette fois-ci. Voilà. Et après, le dernier jour, j'ai fait magasin pour ramener souvenirs. Okay. En fait, j'ai beaucoup respecté les repas quand j'étais chez mes grands-parents. Mais après, le week-end, quand je suis rentrée, le dernier week-end de la semaine, enfin, cette semaine, je pense que j'ai repris là. Parce que j'ai pas fait d'activité sportive et j'ai mangé. Et j'ai repris 1,3 kg. En 2 semaines. Ok, tu vas pas ça. Si vous avez des questions. Je comprenais plus rien là. Si certains. Oh allez, attendez 2 secondes. Si certains veulent travailler ça, ce retour. Qu'est-ce qui t'a amené aux oiseaux toi? On est maintenant au bureau. J'ai grossi. Là on l'a fait en gros. Quand j'étais petit, j'étais ultra maigre. Et après il y a eu la séparation des parents, tout ça. Bon, j'ai pas grossi là, mais après, quand mon père il a arrêté de venir me voir, tout ça, j'ai commencé à grossir. Et là, je le vois plus du tout. Même pas une fois. Quand est-ce qu'il a arrêté de te voir, ton père? Ça va faire 6 ans. Il a refait sa vie avec ma belle-mère, mais... Et pourquoi tu le vois plus, tu sais pas? Non. Je sais pas. Un jour, il est venu me chercher en week-end. J'ai passé mon week-end, il m'a ramené. Et depuis ce jour-là, genre... Il n'est plus jamais venu me voir. Donc j'ai essayé de l'appeler, tout ça. Il répondait pas, et voilà. En fait, vous, les gens, les grands, vous buvez de l'alcool pour oublier. Moi, j'ai mangé. Et je me suis enfermée dans ma bulle comme ça pendant longtemps. Et j'ai commencé à manger. J'ai grossi. Après, j'ai arrêté les activités sportives. Donc ça m'a fait encore plus grossir. Et voilà. T'as quel âge ? 14 ans. Et... manger, je pensais, enfin, ça me faisait du bien, je sais pas pourquoi. C'était comme ça. Ça te faisait quoi? Bah, ça me faisait oublier. En mangeant, j'oubliais. Déjà, avant ça, je grignotais. Mais après ça, ça en a rajouté. Du coup, je me suis complètement renfermée dans une bulle de nourriture et j'ai fait que manger. Et après aussi, il m'est arrivé ça, mais après, j'ai une bonne mère qui s'occupe de moi, un bon beau-père. Ils sont toujours là pour moi, avec mes frères et mes sœurs aussi. Ils sont, bah, ils font du mieux qu'ils peuvent, tout ça, c'est... Voilà. Donc je suis heureux, moi. Hein. Sans mon père ou avec mon père, c'est la même chose. Maintenant, ça m'est passé par-dessus la tête grâce aux oiseaux. Ça fait combien de temps que tu es ici, aux oiseaux? Ça va faire 7 mois bientôt. J'avais pas du tout envie de venir. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, j'appréhendais genre, de quitter mes parents. Parce que avant de venir ici, j'étais beaucoup, mais... c'était même pas beaucoup, j'étais tout le temps dans les jupes de ma mère. Et en venant ici, bah, j'ai commencé à apprendre à arrêter de la coller. Je sais pas comment dire, là j'ai pris... j'ai pas pris mes distances, mais genre j'arrive à moins rester collée à elle. Alors aujourd'hui, combien tu mesures et combien tu pèses? Je crois que je fais 1m73. Et... ah oui, et le poids, j'ai fait 83,6 kilos. Tu comptes les grammes? Ouais. Quand je suis arrivée, c'était beaucoup plus. Ça se voit sur mon corps déjà que je maigris, je me sens mieux. La sixième, à la rentrée, c'était un carnage. Genre, on était tout le temps en train de me rabaisser et tout ça. Et après, du coup, j'ai arrêté de travailler en école. Ça m'a énervée, tout ça. Après, quand j'ai entendu parler d'ici, bah, je suis venue ici. J'ai voulu tester. Là, je me sens encore mieux parce que ici, je me sens chez moi. Bah, on est tous dans le même cas. Et c'est vrai qu'on est vraiment copains. Et donc là, il est à peu près midi. Ça va être l'heure du repas? Il est 11h58. Ouais, on mange à midi 10. Maintenant, manger, c'est plus un grand truc pour moi. Genre, c'est manger, c'est normal. C'est pas... Il faut que je mange. J'ai trop faim, comme ça. J'ai même pas faim. Bah, dès que je mange, je mange. Vous savez qu'il est midi? Pourquoi du riz? On n'est pas vendredi? Mais si. Du coup, on mange poisson. Peut-être, ouais, je crois. Oh non! On est vendredi, hein, ça. Hein. Moi, c'est plein de pâtes, hein, c'est mieux. C'est moi, mieux. En fait, c'est les tacos. C'est trop ma vie. Mais les tacos, c'est même pas un plat, s'il te plaît. Bah, si, c'est un plat composé. C'est qui nous sert aujourd'hui? C'est Steph, je crois. Qu'est-ce que vous faites avec vos téléphones portables là? Bon, en fait, là on en profite parce que dès qu'il y a un éducateur qui arrive et qu'on va commencer à manger, on n'aura plus le droit au téléphone en fait. C'est interdit. Et chez toi? Chez moi, c'est autre chose, ouais. Bon, après, c'est pas tout le temps, mais je mange avec mon téléphone. Mes parents ils me disent d'arrêter tout ça, mais ouais. Non, moi je suis sur la télé ou parfois je l'ai ouais, pas. Ouais, encore pire. Moi je mange souvent devant la télé le soir comme ça et tout. Sinon je suis devant mon téléphone, mais je suis avec une série quoi. Mais vraiment tout le repas je suis devant la télé quoi. Avec mon repas comme ça. Après, je comprends pourquoi ils nous disent que c'est interdit tout ça. parce que déjà on n'apprécie pas ce qu'on mange parce qu'on va pas se rendre compte de ce qu'on a mangé ou pas. Mais moi, j'ai deux fois plus après. Ouais, on va avoir deux fois plus faim tout ça parce qu'on s'est pas rendu compte. Toi et juste ta sœur qui est là en train de regarder un film à côté de toi, tu veux faire quoi? Tu veux parler à qui? Tu veux parler au mur? Bah, moi je suis tout le temps devant les écrans, pourquoi? Parce que personne mange avec moi. Oui, mais dans ces cas-là, il faut organiser des repas en famille. Moi, je sais que chez moi... En famille, ma mère, elle mange rien, s'il te plaît, d'habitude, donc elle vient pas. Ma sœur, elle est toujours devant ses écrans, tu veux manger comment? Moi aussi, je mange devant les écrans. Je regarde... Parce qu'en fait, genre, on mange pas en famille. Il y a des heures, moi, par exemple, je mange vers 18h, ma famille, elle mange vers 19h. Mais du coup, bah, je regarde la télé et tout. Mathias, voilà. Les filles, pour ranger les téléphones à table, s'il vous plaît. Moi, t'as vu, quand j'étais petite, ma mère, elle m'emmenait, tu vois, des sneakers et tout. Mmh. Et après, j'ai pris l'habitude de manger des sneakers. Non, moi, le sucré, c'est... je peux m'en passer. Franchement, je peux m'en passer. C'est tout salé. Moi, je connais les vrais trucs, les bons fromages. Moi, c'est... À la tome, le chaussée aux moines et le roquefort. Oh là là, ah ça non, c'est la vie. Et camembert. Moi, il y a un truc que ma mère, elle me faisait, mais ça qui me prenait des kilos, elle faisait des pâtes au roquefort. Les chips, c'est mon péché mignon. Les chips, c'est vraiment... Ah non, moi, c'est pas j'ai goûté tous les goûts dans ma vie. Ah les ouais. Chips, c'est vraiment... Parce que les chips, en fait, j'ai été habituée depuis petite. Les petits goûters, moi, c'était pas des goûters pain, confiture, pain fromage avec du jus. Moi, c'était un paquet de chips... une petite bouteille de jus, voilà. C'était mon goûter quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'elle fait ta mère dans la vie? Elle travaille dans les bureaux de la Halle à Paris, à Stalingrad. Dans les bureaux, ça veut dire que quand il y a des gens qui ne sont pas contents d'une paire de chaussures, ils vont appeler la mère pour lui dire oui, est-ce que vous pouvez me renvoyer et tout. Donc tout le temps, tous les jours, elle se fait insulter. Enfin, pas insulter, mais toujours il y a des gens qui sont énervés, quoi. C'est un boulot difficile. Oh oui, grave. Ma mère a toujours voulu me faire plaisir. Ma mère, elle a aussi un peu sa part de responsabilité parce que elle m'a fait prendre des mauvaises habitudes. En fait, elle était un peu, on va dire, sous l'emprise de mes envies, on va dire, voilà, c'est le mot. Sous l'emprise de mes envies, parce que elle savait très bien que si, par exemple, parce que aussi j'allais tout le temps au parc et dans le parc il y avait un marchand de glace, les crêpes Nutella chantilly. Si elle me prenait pas les choses que je voulais, mes envies, quoi, et bah, je tapais une crise. Mais elle cédait. Ah, elle cédait. En 5 ans, j'ai pris 50 kilos, 10 kilos par an, donc. Mais après, ma mère, je n'en veux pas. Parce que comme j'ai dit, c'est pour me faire plaisir, ça part de bonne attention. Maintenant, j'ai grandi, j'ai 13 ans, je passe en 4e, j'ai grandi. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est moi qui m'ai créé cette maladie-là, l'obésité. C'est pas trop une maladie, hein. Bah si, quand même. Hein. Bah, ce serait même maladie, pourquoi on appellerait ça une clinique de centre d'amaigrissement? Ce serait même maladie. Je sais pas. Bonjour, j'ai entendu que c'était pas trop... À partir du moment, moi pour moi, mon opinion, c'est à partir du moment où tu peux mourir, c'est une grosse maladie. Donc l'obésité pour moi c'est une grosse maladie. Il y en a qui ont des problèmes d'amygdale, mais après ça c'est autre chose. Mais pour moi les maladies où on peut en mourir, c'est une maladie. Attendez, il sort. Moi je suis là parce que en fait j'ai déjà fait un séjour, ça a pas trop marché, j'ai pris des kilos, j'ai pris du poids pardon, et là je suis revenu en séjour d'été parce que pour réapprendre à comment bien manger, comment faire du sport, des trucs comme ça. Et puis là, je suis parti en vacances et ça a bien marché, j'ai perdu 2 kilos. Moi, je trouve pas que tu sois... Ouais, parce que c'est parce qu'on le voit pas. Mais sinon, genre, par rapport à ma taille, j'avais trop de graisse. Voilà, c'est ça en gros. Là, je fais 80 kilos pour 1m65. Et c'est petit quand même. Il me reste que 10 kilos de gras à perdre, c'est bon. Et après 10 kilos, j'aurai que du muscle, c'est bien. Oh, qu'est-ce que vous avez? En fait, j'aimerais être comme Alex, genre comme les profs de sport. Mais en plus, j'aimerais travailler ici aux oiseaux, parce que, je sais pas, ça m'a beaucoup appris ici. Et genre, je trouve que j'aimerais apprendre ça aux gens qui viennent ici. Vivre ensemble, les gens qui sont pas bien, les réconforter, les trucs comme ça, genre, je trouve que c'est... Enfin, ça te fait mûrir, en gros. Bon, alors, dis, est-ce que Neymar, il va à Barcelone? Tu sais si j'en ai des soucis? Non, je crois pas, il va. Ah, mais je ne sais pas, moi. Vous me parlez là de foot, de trucs comme ça, puis je vois que vous. Moi aussi, j'ai vous... C'est qui lui? Hein? C'est qui lui? C'est le docteur de l'hôpital. C'est le docteur d'ici du centre des oiseaux. C'est ça, c'est le docteur des oiseaux, ouais. Il est bon délire, genre, on peut rigoler avec lui, c'est pas quelqu'un qui est strict ou quelque chose. Lui, il est vraiment bon délire. Alors, tu peux parler normal avec lui, genre, il n'y a pas besoin d'être complexé ou un truc comme ça. Dis-moi, t'es content de revenir rentrer? Je passe 5 minutes. Cette petite-là, c'est Victoria, 14 ans. Et je viens de la recevoir, est un médecin, et j'ai fait sa visite, première visite post-hospitalisation, qui consiste à un examen un mois après sa sortie, qui nous permet de voir si la petite a pris du poids, si elle a changé ses habitudes, si elle est heureuse, et comment elle entrevoit l'avenir. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est les résultats qu'on a constatés. C'est-à-dire qu'à un an, elle a perdu 33 kilos. Et à 14 ans, 33 kilos, ça représente quelque chose. Mais il y a également le côté psychologique qui est très important. On avait affaire à une petite qui était en quelque sorte victime d'une mauvaise image de soi, qui présentait une souffrance intérieure très importante, qui n'était pas toujours avouée, mais qui était réelle. Et qui, de ce fait, la mettait en situation d'échec dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, si je comprends bien, il n'y a même pas forcément un objectif de perte de poids. Ce n'est pas forcément l'enjeu. Non, l'enjeu, c'est de faire de belles personnes pour être, en quelque sorte, ouverte dans la société. Parce que si on n'intervient pas à ce moment-là, la gosse va se déstructurer et va être automatiquement en situation d'échec et se replier sur elle-même et, de ce fait, va avoir un avenir qui, pour nous, semble assez défavorable. Mais le regard que l'on pose sur eux est primordial. Parce que qu'est-ce que c'est qui leur fait mal? C'est le regard des autres sur eux. C'est toi, Victoria? Ah oui, c'est moi. Bon, le médecin me parlait de toi. Il trouve que ton passage ici aux oiseaux, c'est une réussite. Pour toi, c'est quoi qui est le plus réussi? C'est d'avoir perdu du poids, comme il me l'a expliqué, ou c'est autre chose? Oui, c'est d'avoir perdu du poids et d'avoir pris un peu plus confiance en moi et de m'exprimer. Avant, non, je me renfermais sur moi et je parlais pas, je disais rien. Là, il faut te regarder et imaginer 33 kilos de plus, c'est ça? Oui. Comment tu expliques, en fait, que tu aies pris autant de poids? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais, je faisais pas beaucoup de sport. Et je grignotais beaucoup. Et ta mère, elle te laissait faire? C'était pas trop de sa faute, elle me le disait, mais moi je m'en rendais pas compte. Et plus elle me le disait, plus je mangeais. Parce que ça m'énervait que de me dire arrête de manger. Et du coup, ben, je mangeais encore plus. On parlait de vous, madame. Elle me disait qu'elle grignotait beaucoup dans le moment où elle a pris du poids. Oui. Et je lui demandais si vous, en fait, vous étiez intervenu à ce moment-là. Oui, beaucoup. J'ai beaucoup intervenu, mais bon, Victoria se mettait en pleurs et elle me disait « laisse-moi ». Donc après, comme c'était des conflits, je laissais un peu faire. Et elle me disait que plus vous lui disiez d'arrêter de grignoter, plus elle... C'est ça, plus elle grignotait. Donc après, quand j'ai compris, ben, j'ai arrêté de lui dire. Et après, elle se mettait à pleurer, et puis elle mangeait encore plus, donc j'avais levé le pied à ce niveau-là. Donc maintenant, vous lui foutez la paix, en fait. C'est ça. Oui. Oui, et puis bon, là, il y a du beau résultat, donc oui. Maintenant, elle était jolie, mais là, elle est encore plus belle. Je suis contente, je suis fière de ma fille. Toi, ça t'a fait du bien de venir ici, je veux dire, de t'isoler, quoi, peut-être ? Oui, ça m'a fait du bien. Et vous, comment vous le vivez, ça ? Au début, ça a été très difficile, quand même. On a toujours été fusionnels, de toute façon, donc, parce que là, aujourd'hui, elle parle comme ça, elle est contente, mais elle était au point où il ne devait pas la garder, justement, parce que psychologiquement, ça n'allait pas. La séparation a été très, très difficile. Donc j'ai pris sur moi, et puis bon, comme je lui disais, elle a quand même la chance qu'on n'habite pas loin, donc elle rentrait quand même tous les week-ends, après on a espacé à un week-end sur deux, et ça s'est très bien passé. Donc c'est un peu un éloignement qui a été nécessaire, finalement, pour vous. Oui. Comment tu vois ton avenir, maintenant ? Bien. Tu veux faire quoi dans la vie ? Pompier. En septembre, je vais faire la salle de sport et faire de la natation. When you zip, you zip, see, every zip, when you want to see, can you feel it, no, that is no ceiling. Lui, là, ce garçon est très intéressant. Il est intelligent. Un peu coquet, si, coquet, hein, coquet. Et puis, j'ai eu un entretien avec sa maman qui était émouvant pour moi. Voir une maman qui a les larmes aux yeux, de voir son fils qui a changé comme ça en 4 mois, 5 mois. 4 mois. Et tu as perdu combien ? 22. 22, mais avec ce qu'il y avait, c'était plus. Hein. Tu arrivais beaucoup plus haut. Eh bien, il faut voir ce que c'est. Tu t'en souviens ? Ça s'oublie pas. Et j'étais en obésité morbide. Et je pense que si je prenais encore 5 kilos, je serais mort. Et du coup, c'était plus pour ma santé et aussi pour le regard des gens. Parce que ça me touchait. Ce qui fait plaisir à moi dans cette maison, c'est de voir finalement ces groupes de jeunes qui sont heureux. Je crois que ça, c'est très important. Les jeunes qui étaient plus ou moins mélancoliques quand ils étaient chez eux ou quoi que ce soit, qui se retrouvent, qui sont en bande, qui discutent, qui rigolent, que ce soit au sport, que ce soit au repas. Enfin, il y a quand même une vie, une animation. Voilà. Allez. Alors comment tu t'appelles toi ? Ilan. Et qu'est-ce qui t'a amené ici aux oiseaux ? Parce qu'en fait je veux devenir footballeur professionnel et qu'il faut que je maigrisse. Je mesure 1m60 et je pèse 80,9. Et il faut que je descende à 50. Et tu perds 30 kilos. Voilà. Pour rentrer dans un centre de formation l'année prochaine. Ah carrément, tu veux rentrer dans un centre de formation l'année prochaine ? Parce que je sais très très bien jouer au foot, tout le monde me l'a dit, mais c'est à cause de mon poids que voilà. Que je suis un peu plus lent et voilà. Tu as pris ce poids comment et en combien de temps ? Et je sais pas. J'ai commencé à manger, à boire des boissons et voilà. Ils savent pas. Même ma mère, elle sait pas. J'ai une photo il y a 2 ans que je suis maigre. Regardez là, j'ai une photo dans mon téléphone et maintenant je me suis transformée. J'ai grossi. C'est il y a 2 ans au mariage de ma tante. T'as pris 30 kilos. Voilà. En un an et demi, 2 ans. Mon entraîneur, il m'a dit que si, par exemple, je perdais pas de poids, je descendais en équipe 2. Je le veux pas. Parce que j'ai toujours joué en équipe 1. Et l'année dernière, après, j'ai été suspendue. Et j'ai encore grossi. Et ça veut dire, par exemple, j'ai pris 4 matchs de suspension. Après, j'ai encore plus grossi. Et après, il m'a descendu en équipe 2. Et comme je n'ai jamais joué en équipe 2, j'aime pas. Et après, ben là, je veux faire tout pour rester en équipe 1. Et voilà, ben là, je suis venu ici, je viens ici. Et t'es content d'être ici, finalement? Oui, je croyais que ça allait être plus dur, mais c'est facile, ça va. On mange bien, c'est juste qu'il n'y a pas de entre les repas. Qu'est-ce que tu avais l'habitude de prendre entre les repas? Des gâteaux. Quand j'avais faim, mais c'est que les week-ends ou les vacances. Les vacances, aussi, je pouvais prendre, dans les vacances de 2 mois, je pouvais prendre 15-30 kilos. Comment ils sont tes parents? Ils étaient gros, mais maintenant ils sont maigres les deux. Sans faire d'opération, ils ont commencé à faire le régime. Ma mère, elle fait 50 kilos, et mon père, elle fait 70. Et mon père, il fait 70-80. Mais par contre, c'est quelque chose qu'ils avaient dans leur famille. Voilà, mon grand-père, il est très gros. Mais en vrai, parce que après, moi, quand je mange, eh ben, j'ai un nerf qui s'est décroché, que j'ai tout le temps faim. Tu sors de table et tu as faim. Voilà. Ici, ça me dérangerait pas de mettre un maillot de bain de pièces, en sachant qu'on est tous... Bon, désolé, mais on est tous gros, quoi. Après, il y en a qui sont plus maigres que d'autres, mais bon, il y a des cas, mais après, voilà. Moi, je crois qu'il y en a. Ici, ils mettent des maillots à 2 pièces. Et après, les gens, ils se moquent d'eux. Mais moi, je pourrais pas me mettre un maillot à 2 pièces. Non, Brad, viens, s'il te plaît. Viens, 2 minutes, s'il te plaît. En fait, t'as vu Alia? Oui. T'as vu Brad, il m'a demandé de sortir avec lui. Ouais. Et parce qu'en fait, à la base, tu sais, il était avec Candice. Arrête, Joanne. Ah ouais, du coup, moi, la dernière fois, je lui ai demandé, il m'a dit non, c'est mort, il veut plus. Il veut rester avec Candice. Non, mais attends, c'est pas ça, c'est qu'après. J'ai plus les messages. Et en fait, genre, il m'a envoyé un texte, il m'a fait « Ouais, je t'aime et tout. » Je t'aime et tout, tu vois. Je fais « Ouais, mais t'es avec Candice. » Il me fait « Mais non, je suis plus avec elle et tout. » Et après, il me fait « Ouais, et tout. » En fait, là, j'ai vraiment des sentiments forts et tout. J'ai fait « Ouais, mais on se connaît il y a pas longtemps. » Et tu me dis que t'as des sentiments. D'accord. Mais après, moi, ça m'intéresserait pas de me mettre en couple ici. Parce que déjà, moi, certes, je suis grosse, mais que peut-être en fin d'année, moi, je pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui a du poids. Enfin, c'est pas méchant, mais moi, je pourrais pas. Mais il n'y a pas que des. Attends, il est pas gros. Quoi, je suis pas gros. Ça va, il passe, il est pas gros. Mais en fait, Alia, t'es trop grande. Donc, bah, excuse-moi que je mange des haricots verts tous les soirs. Hein. Je suis pas tenir ma ligne. Ah, je gueule. Voilà, je parlerai pas. Viens 2 secondes, ça parle de toi. Mais attends, vite là. Non, je... Miranda, elle parle de toi. Non, c'est vrai, je veux parler. Miranda, elle t'aime. Non, arrêtez s'il vous plaît, je ne dis pas non. Non, je veux parler. Miranda, elle t'aime. Non. Et elle a dit que tu lui avais envoyé. Non, j'ai rien dit, moi. J'ai pas parlé, j'ai rien dit. Qui m'a appelé? Oh, Yacine. Comment tu t'appelles toi? Mathis. Mathis? Ouais. Et t'es ici depuis combien de temps? Ça va faire 7 mois, ouais. 7 mois. Ça passe. J'ai perdu là 32 kilos. Déjà 32. Et ça change dans ma vie. Hein. Ça change beaucoup. Déjà par rapport à comment je me sens face aux gens. Déjà ici, il n'y a pas de moquerie. Parce qu'on est tous dans le même cas. Déjà pour le sport, je me sens encore mieux. C'est plus facile. Avant, j'étais essoufflé. Beaucoup. J'étais pas bien dans ma peau. Pour moi, c'est le regard des gens envers moi. Une fois, j'étais au collège. Et je crois que j'étais en 6e. Un jeune de 3e, Il a commencé à me frapper, parce que pour rien, pour aucune excuse. Parce que peut-être j'étais gros. Bah, chaque fois qu'il me voyait, il me pinçait les seins, un truc comme ça. Pour rien, et voilà. Et c'était presque tous les jours. Tu le disais à tes parents ? Non. Non. Je sais pas, je voulais pas leur faire de mal, je voulais pas leur dire. Tu l'as vécu comme une libération de venir ici ? Oui. Oui. T'as une copine ici ? Ouais. Je l'aime beaucoup, énormément. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Bah, de l'amour envers moi. De donner de l'amour aussi. Et comment s'appelle ta copine alors ? Calista. Avant, on était potes, normal. Après, de plus en plus, on s'est rapprochés. Et ben après, on s'est mis en couple, voilà. Avant, j'avais peur d'aller vers les filles, des choses comme ça. Comment tu vois ton avenir maintenant ? Mon avenir ? Avec ma famille, ma chérie, peut-être encore avec 10 kilos de moins, et bien dans ma peau, et voilà. Moi, mon rêve, bah, là, c'est soit d'être gymnaste pro, ou de la natation, parce qu'on me dit que j'ai des grosses compétences en natation, ou soit d'être chanteuse. Tu m'as entendu chanter ou pas ? Non. Chante. Vous me regardez pas. Fort caractère, elle sait dire non, non, non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot, non, non, non, non. Mais tu peux lire sur ses paupières déterminées. Elle agit, elle ne parle pas, lion affamé. C'est fini. Futur Beyoncé. Bon, elle va pas tout y ressembler. C'était Les Oiseaux, une clinique pour vaincre l'obésité. Avec Sophie Hayek, Alexandre Fauverge, François Grenier et Alia, Shakira, Miranda, Brad, Enzo, Alex, Yacine et Mathis. Merci à Luc Royer et à toute l'équipe des Oiseaux pour leur accueil. Merci tout particulièrement à Sophie Hayek. Mixage, Claire Levasseur. Une série documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisée par Véronique Samouilov. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au collège, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, Obésité, une maladie de pauvres. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.